tu appelles Jacob à revenir. Au lieu de la première rencontre, à l'autel de la pierre dressée, là où la promesse avait commencé sa montée. Il enlève les idoles de sa maison. Il purifie ce qui s'était mélangé. Et la crainte tombe sur les peuples quand Dieu reprend sa place d'autorité. Le retour à l'autel restaure l'avenir. Ramène-nous à notre premier autel, au feu que nous avions laissé, quand ton nom brûlait plus fort que nos peurs et que nos pas savaient où marcher. Ramène-nous à notre premier autel, là où tu as parlé pour la première fois. Car même après nos longues détours, ta promesse nous y attend encore là-bas. Rachel s'éteint en donnant la vie. Benjamin naît dans la douleur. Isaac rejoint ses pères dans la paix. Entre morts, alliance et labeur. Mais tu rappelles le nom d'Israël. La lignée continue de porter ce que tu avais déclaré souverain. Ramène-nous à notre premier autel. Ramène-nous à notre premier autel. Ton appel ne s'éteint jamais. Les lignées s'étendent loin d'Israël. Des rois se lèvent avant même le trône. Isaac trace sa route dans la force, sans attendre l'héritage donné à d'autres hommes. Un temps, mais une seule promesse demeure. Tu écris l'histoire de chaque nation, même loin de ton alliance, mais la promesse suit son fil discret au milieu de l'abondance. Tu écris l'histoire de chaque nation et rien n'échappe à ta main. Mais tu gardes pour ton peuple le chemin qui mène à ton demain. Tes desseins dépassent nos frontières.